Le magazine de l'archéologie s'ouvre ce soir sur un beau sujet. Il faut dire que la cité jordanienne de Petra est exceptionnelle. Et pour ceux qui ont eu la chance de s'y rendre, le souvenir reste irrémédiablement présent. Avec des équipes archéologiques internationales, notamment françaises, belges, allemandes, jordaniennes, italiennes, américaines ou finlandaises, Petra est surtout un site où les recherches s'enchaînent. Redécouverte en 1812 par Pourquart, celui-ci écrira « Un mausolée excavé s'offrit à notre regard, dont la situation et la beauté ont été habilement étudiées pour faire une impression extraordinaire sur le voyageur. En route pour une mission archéologique, j'ai eu la chance de parcourir la cité nabatéenne et de découvrir, au débouché d'un long wadi, le Sikh, l'exceptionnel monument de grès rose, la Rasnée. » Contactée en fin d'année, la mission archéologique française de Petra était sur le terrain. C'est donc ce soir que nous accueillons Laurent Tolbeck. Bonsoir. Bonsoir. Laurent Tolbeck, vous venez de recevoir, pour votre mission à Petra, le Grand Prix de l'archéologie de l'Institut de France, le prix de la Fondation Simone et Cino del Duca, prix doté de 150 000 euros, si ma mémoire est bonne. Bravo donc. Professeur de l'Université libre de Bruxelles, je précise que votre chaire porte sur l'archéologie des provinces romaines. Avant de plonger dans le passé et son actualité, revenons sur un événement très récent. Étiez-vous sur le terrain le 26 décembre face à cette exceptionnelle inondation liée à des pluies diluviennes? Alors nous étions rentrés en fait. Nous sommes rentrés en novembre, début novembre. Et oui, bien sûr, on a vu les photos. Bon, c'est pas si exceptionnel. Vous savez, ça arrive chaque année. Le fait est que tout le monde a maintenant les moyens de faire des images et donc elles sont diffusées instantanément. Non, mais imaginez une pluie, un orage, dans une gorge qui fait 2 km de long, qui est parfois étroite de moins de 3 mètres. Et évidemment, l'eau déboule. Et puis, ben voilà, bien entendu, c'est impressionnant. Mais il a plu plus l'an dernier, par exemple. Vous devez imaginer 250 mm par an, plus ou moins. Alors, c'est pas beaucoup, mais tout arrive entre décembre et mars. Donc forcément, ça donne des images impressionnantes. C'est le fameux Sikh, c'était trois boyaux que prennent les touristes pour accéder donc à ce fameux trésor, immortalisé d'ailleurs par Indiana Jones, bien sûr. Oui, c'est exactement ça. Donc c'est une gorge qui était d'ailleurs connue par les Latins. Il y a des poèmes, un poème de Juvénal qui parle de cette gorge nabatéenne. Et voilà, par endroit, elle fait 140 mètres de profondeur. C'est donné quand même une idée du caractère très impressionnant de cet endroit. Et donc c'est simplement une rivière qui traverse un massif grésueux et qui débouche sur le centre-ville en réalité. Et avant de faire un coude vers le centre-ville, eh bien, vous tombez sur ce monument exceptionnel que tout le monde connaît, qui s'appelle la Rasnée. L'eau a été un sujet de recherche, pourtant, pour les archéologues travaillant sur Petra. J'ai souvenir que tout un système de citernes avait été mis au jour. Et puis, on sait qu'il y a trois sources. On y reviendra d'ailleurs après. Absolument. Petra est construite dans un massif gréseux en dessous d'une montagne calcaire. Alors, tout le monde sait qu'entre le massif calcaire et le massif gréseux, il y a des sources. Donc, il pleut plus sur le calcaire et puis l'eau ressort à l'intersection entre les deux. Ça veut dire que Petra, qui est à 900 mètres d'altitude environ, bénéficie de sources qui proviennent de la montagne calcaire. Alors, il y a une source pérenne qui est de 500-550 mètres cubes par jour, c'est quand même beaucoup. Et puis, deux autres sources qui sont effectivement canalisées vers le centre-ville. Il y a deux autres sources encore à l'intérieur du centre-ville. Et puis surtout, il y a tout un système de récupération de la moindre goutte d'eau de pluie qui arrive dans des citernes. Alors, toutes sortes de citernes hiérarchisées. Certaines semblent être immenses, peut-être publiques. D'autres sont nettement privées. Et donc, effectivement, on ne perd rien de ces 250 mm par an, si vous voulez. Et j'ai souvenir de canalisation aussi, un peu partout. Absolument. Le site est truffé de canalisations et puis de systèmes hydrauliques divers. Évidemment, ça fonctionne aussi. Il y a aussi un lien avec l'agriculture, puisqu'il s'agit aussi de barrer toutes les vallées qui, précisément, amènent de l'eau vers cette gorge. Et donc, lutter contre l'érosion, puisque les pluies étant torrentielles sur un sol, des sols extrêmement fragiles, l'érosion est très élevée aussi. Petra est la capitale des Nabatéens, pour autant qui sont-ils? Alors, c'est un peuple qui est à l'interface entre deux mondes. Vous savez, on parle beaucoup de globalisation aujourd'hui. C'est une des questions qui se pose aussi pour l'Antiquité maintenant. Il y a des systèmes mondes qui sont indépendants, mais avec des interfaces, si vous voulez. Et très clairement, les Nabatéens sont un peuple qui est entre le système monde méditerranéen et le monde de l'océan Indien. Nettement. Le deuxième cercle de Fernand Braudel, c'est ça ? Oui, oui, exactement. C'est vraiment ça. Avec les sociétés les plus lointaines qui représentent le troisième et qui sont bien sûr les sociétés d'Arabie méridionale qui possèdent l'encens. Qui produisent l'encens, oui. Et donc voilà, c'est une. Il faut imaginer des élites, en tout cas locales, qui investissent dans le transport. Fondamentalement, ils tirent un bénéfice du transport. Ça veut dire qu'ils connaissent les marchés. D'une part, ils connaissent les relais. Et donc, il faut imaginer une autorité qui, à travers des liens avec toutes sortes de tribus, et parfois éloignées, gère un très long réseau caravanier à travers la péninsule arabique jusqu'à Gaza. Hein, Gaza qui est le grand débouché arabe sur la mer Méditerranée. Et ensuite, qui part donc vers Rome, c'est ça ? Oui, vers Rome. En tout cas, s'agissant de l'encens, puisque qu'est-ce qu'ils transportent ? C'est essentiellement de l'encens, mais pas exclusivement, évidemment. Ce sont des biens à forte plus-value. Et donc, tous les sanctuaires de Méditerranée sont alimentés en encens, évidemment. Donc, il n'y a pas que Rome. Hein, c'est aussi le monde grec. C'est l'ensemble de la Méditerranée qui est irrigué, évidemment, par cet encens. Quel est le territoire des Nabatéens ? Alors, ça s'étend... Une grande partie de l'Arabie. Une grande partie de l'Arabie. Alors ça dépend, c'est pas tout le temps si vous voulez le pouvoir nabatéen, il est clos et puis il sillonne un espace. Et donc la question, le territoire nabatéen, c'est est-ce que le roi nabatéen a autorité sur les extrêmes ? Ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne quoi, il y a pas une vraie frontière. C'est plutôt un réseau qui s'exprime. Alors parfois on a des éléments très clairs, le Sinaï parce qu'on a toute une série d'inscriptions par exemple, on a les frappes monétaires à Damas, donc on sait qu'à un certain moment le roi 80-70, le roi a eu autorité sur Damas. Vers le sud, alors il y a une nouvelle inscription qui semble indiquer qu'effectivement ils ont accompagné Rome dans une tentative de mainmise sur le Yémen et qu'ils sont restés sur place au nom de Rome, disons au tout début du premier siècle de notre ère. Donc il y a un territoire qui est sans doute politiquement ou disons militairement plus réduit que le territoire sur lequel ils évoluent en fait, hein, où leur réseau évolue. Que nous apprennent justement les textes antiques ? Il y a beaucoup dans cette partie d'Arabie, des inscriptions un peu partout. On sait aussi qu'il y a eu Al-Ghatashid de Cnide, par exemple. Et puis, il y a donc, bien sûr, beaucoup de textes rédigés en nabatéen. Oui, donc il y a quelques sources littéraires grecques, sont peu nombreuses. Essentiellement pour Pétra, il y a une description par Strabon qui écrit à l'époque d'Auguste et qui est assez passionnante parce qu'il nous dit je dois la description que je vous fais au témoignage d'un ami qui est allé sur place et qui s'appelle Athénodore de Tarse et qu'on a pu recaler dans le temps en fait. Et on sait qu'il est allé là en 30 avant Jésus-Christ. Donc ça nous donne une image extrêmement précise. Pour le reste, oui, il y a des inscriptions nabatéennes, mais il faut pas imaginer qu'elles sont extrêmement parlante, puisque pour Pétra, par exemple, il y a plus ou moins 1000 inscriptions dans la ville, mais 90% de ces inscriptions sont des signatures, hein, que soit commémoré un tel, fils d'un tel. Il y a parfois des nids d'inscriptions dans des sanctuaires, mais il y a peu d'inscriptions très explicites. Par exemple, on ne connaît pas de littérature au sens strict, par exemple. Voilà. Et les Nabatéens ont leur propre écriture ? Absolument. Donc, il faut différencier l'écriture, qui est un alphabet, si vous voulez, une écriture alphabétique, et la langue, qui est un araméen, qui était donc la langue qui était parlée, la langue internationale à l'époque perse, en réalité. Et donc, c'est un dialecte de l'araméen, comme le palmyrénien, par exemple. Hein. Alors, la chose particulièrement intéressante en termes d'écriture, c'est que les prospections les plus récentes, qui sont menées par des collègues saoudiens ou Leïla Némé, au nord-ouest de l'Arabie saoudite, ont mis en évidence un certain nombre d'inscriptions. Alors, de langue arabe, mais d'écriture nabatéenne, et qui sont datées. Et donc, on a là le lien entre le nabatéen et l'arabe, en forme d'écriture, ce qui est tout à fait passionnant. J'ai souvenu aussi qu'il y avait eu des papyri grecs découverts à Pétra dans les années 1993. Oui, absolument. Donc, ce sont des archives d'une famille, une famille ecclésiastique, si vous voulez, du 6e siècle, qui date du 6e siècle, et qui sont extrêmement intéressantes parce que elles nous montrent que les grandes familles de Pétra, à cette époque-là, possédaient un territoire assez vaste dans l'arrière-pays. Et donc, c'est le témoignage d'un shift, en fait, entre le centre-ville et des territoires qui sont situés maintenant à 25-30 kilomètres plus à l'est, dans des zones qui sont aujourd'hui steppiques. Laurent Tolbeck, les Nabatéens, c'est 1000 ans d'histoire, mais ils resteront indépendants jusqu'en 106 après notre ère ? Oui, c'est ça. C'est une date clé, évidemment. C'est l'arrivée de Rome dans ces régions. Alors, c'est Trajan, l'empereur Trajan, et c'est celui qui a effectivement mené Rome dans sa plus grande extension. Alors, je pense que c'est un souci économique qui fait qu'il veut avoir, en fait, les deux mers, posséder les deux mers ou avoir accès aux deux mers qui bordent la péninsule arabique. Donc, il va jusque en actuelle Mésopotamie, Irak, d'un côté, pour avoir un accès au golfe Persique, et de l'autre côté, il soumet ce royaume nabatéen pour effectivement avoir accès à la mer Rouge. Comment la cité de Petra est-elle organisée? C'est tout d'abord un centre urbain monumental? Alors non, c'est peut-être ce qu'on en voit aujourd'hui, mais pas du tout, c'est une erreur. Donc d'abord, il faut voir ça dans la durée. Il y a un noyau urbain qu'on a découvert, qu'on est en train de découvrir dans l'hypercentre-ville. Et en réalité, vous devez imaginer plutôt une médina arabe sur laquelle se surimpose un gros programme royal, donc de mise en valeur du pouvoir à travers des symboles politiques, des symboles religieux. Et puis une reprise de cet espace urbain par Rome après l'annexion, qui à nouveau, par une série de monuments, signifie bien que effectivement le roi n'a plus le pouvoir. Et autour de ce centre, donc, des centaines de monuments funéraires existent, c'est ça? Ce sont les fameuses nécropoles, les monuments funéraires taillés dans le grès? Absolument. Donc, dès lors que... Ce sont des paysages absolument extraordinaires. Oui, c'est extraordinaire. Dès lors que Petra est entourée de montagnes, donc je vous disais, c'est 900 mètres d'altitude, mais les montagnes s'élèvent jusqu'à 1100, 1330 mètres d'altitude, cet environnement sert d'écrin, en fait, aux nécropoles, qui sont encore visibles aujourd'hui, en tout cas une partie des nécropoles, puisqu'il n'y a pas que des grandes tombes rupestres, mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui, et qui sont réparties tout autour de ce centre urbain. En réalité, vous avez 3200, 3300 sites de toute nature à l'intérieur de Petra, des tombes, comme vous le dites, mais aussi évidemment du domestique et également du religieux. Donc, l'un des objectifs de la mission était d'étudier cette distribution spatiale des monuments à l'intérieur du site. Laurent Tolbeck, votre mission s'emploie à étudier les espaces religieux de la capitale nabatéenne. Votre programme s'articule autour du Ksar al-Bint, qui est le principal temple de la ville? Alors c'est un monument exceptionnel au sens où c'est le seul monument qui a survécu dans son élévation. Vous marchez dans ce centre-ville, tout est détruit, et puis tout à coup vous tombez sur ce temple qui fait 40 mètres de large, et en tout cas son podium, et quasiment enfin 26 mètres de haut sans le fronton. Donc c'est extrêmement impressionnant, et effectivement il est dans l'hyper-centre-ville, à côté de ce qu'on pense être le palais. Donc c'est le temple dynastique, probablement le temple qui abrite la divinité tutélaire de l'autorité publique, hein, des rois de la dynastie. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que effectivement tout ce secteur a complètement été repris en main au moment de l'annexion. Donc ce qu'on peut nettement identifier, et l'un des objectifs de nos travaux, c'est de montrer le centre monumental à l'époque nabatéenne et sa transformation en centre monumental d'une ville qui devient relativement quelconque, hein. On est dans une ville, c'est une ville de province, mais avec un certain nombre de passages obligés, de monuments types qu'il faut avoir dans une ville de province romaine. Alors qu'est-ce que vous avez trouvé? Alors, dans vos fouilles. Donc, par exemple, ça fait des années que vous fouillez ce bâtiment. Oui, ça fait maintenant une vingtaine d'années que la mission est sur place. Alors, première chose qui est évidemment nouvelle et très importante, c'est le palais. C'est assez inouï de pouvoir découvrir un palais d'époque hellénistique. Il n'y en a pas beaucoup. On les connaît peut-être par la littérature et encore pas beaucoup. Il y en a un à Hirak al-Amir, extraordinaire, à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de d'Amman. Mais à Petra, c'était pas connu. Et donc, voilà, la dernière campagne d'octobre, c'est 5 mètres d'élévation, des enduits en place absolument exceptionnels. Des peintures, des fresques? Oui, des fresques, oui, c'est ça. Des enduits et des stucs aussi, mais des enduits peints. Représentant quoi? C'est strictement du décor géométrique, pour le moment en tout cas, hein, ce qu'on a trouvé. Et voilà, on a hâte de retourner au mois de mai pour poursuivre ces travaux. Mais alors, un des autres bâtiments sur lesquels on a beaucoup travaillé ces dernières années, c'est un immense monument abside du 2e siècle, des années 160, et qui marque la mainmise, en fait, de Rome sur ce territoire. C'est un monument qui est dédicacé à Marc Aurèle et Lucius Verus dans les années 160. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Laurent Tolbeck, vous voyez dans ce bâtiment impérial une sorte de jalon fondamental de l'histoire de l'architecture de cette époque en province d'Arabie? Oui, c'est très important d'avoir un monument daté. Parce que pour étudier une architecture provinciale, qu'est-ce qu'on a en main ? Souvent, on regarde ce qui se passe à Rome et on se dit il doit y avoir un décalage entre ce qui se passe à Rome et ce qui se passe là-bas. Et ces décalages sont totalement incertains, si vous voulez. Et donc là, on peut déterminer, caractériser très nettement une architecture provinciale pour une période très précise. On peut faire la même chose maintenant avec un arc de triomphe, en fait, qui marque lui aussi de son empreinte l'espace sacré du Kasrilbint. Les lieux de culte auraient une grande variété à Petra et quantité de petits sanctuaires périphériques existent. Peut-on tout d'abord faire un lien entre ces sanctuaires et les nombreuses tribus qui composaient la population de Petra ? Alors c'est la clé de lecture principale de l'équipe pour le moment, depuis quelques années. C'est un phénomène qui est documenté par l'épigraphie à Palmyre, cette distribution spatiale des tribus autour de sanctuaires. Et donc on essaie de poser l'hypothèse que c'était plus ou moins le même fonctionnement à Petra, avec effectivement des sanctuaires de haut lieu tout autour de ce centre-ville, et puis diverses catégories de sanctuaires. C'est ce qu'on essaie d'explorer donc petit à petit. Laurent Tolbeck, un de vos premiers projets a été porté donc sur une chapelle qui était déjà très très périphérique. Alors on est à un peu plus d'un kilomètre au sud-est de la ville, donc dans un secteur qu'on peut effectivement imaginer pas commun si vous voulez, mais appartenir à plutôt une frange de la population. Et effectivement, c'est un sanctuaire tribal. Assez nettement, à la fois, enfin, on a une inscription qui est tout à fait nette et qui évoque toute une généalogie, une famille qui, sur au moins 5 générations, va vénérer, alors là c'est intéressant, vénère le dieu du lieu, un dieu anonyme, et puis un dieu particulier, et puis le dieu Obodas, qui est en fait un roi nabatéen divinisé. Donc là, on observe aussi une espèce de transfert politique, en quelque sorte, du dieu anonyme, du groupe en question, vers un dieu qu'on peut qualifier de politique. Et Obodas, on connaît son règne, on connaît ses dates ? Alors oui, donc on est au première moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il est connu par certains textes, mais indirectement, c'est surtout Flavius Joseph. Et on sait que bon, il est mort dans une bataille. Il est probablement enterré dans l'actuelle, enfin dans la ville d'Obodas aujourd'hui, qui est dans le Negev en fait. Comment se présente cette chapelle ? Alors, c'est essentiellement une grande salle de banquet. Mais bon, dès lors que vous avez 5-6 générations qui occupent cet espace, évidemment, ce n'est qu'un état. Et donc, ce qu'on a observé, c'est une succession, en fait, de petites chapelles associées à des offrandes et des espaces de banquet. Parce que effectivement, le banquet, c'est le centre, le cœur de la vie sociale. Alors, en l'occurrence, ici, c'est une famille, mais il y a des salles de banquet un petit peu partout dans la ville de Petra. Et certaines sont, grâce à certaines inscriptions, nettement associées à des associations effectivement religieuses, mais qui réunissent des gens qui ont la même profession, par exemple des scribes ou des militaires, etc. Donc, il y a quand même aussi une logique. Une corporation dans ces cas-là. Exactement. Et donc, voilà une deuxième lecture qui se surimpose, évidemment, à la première lecture strictement tribale. Il y a d'autres formes d'associations et d'autres types d'associations qui se réunissent dans ces salles de banquet distribuées un petit peu partout dans la ville. Laurent Dobbeck, ce que vous avez aussi, c'est bien sûr une statue de ce roi divinisé. Mais qu'est-ce que l'on sait des dieux des tribus nabatéennes? Alors, c'est évidemment, je vous disais, on a quelques textes, hein, quelques dédicaces, donc on connaît quelques noms. On a une divinité principale qui est Doussarès. Alors, l'intérêt, c'est que c'est la divinité du Chara, et le Chara, c'est le nom de la montagne qui domine Petra. Et donc, on imagine que c'est la divinité du groupe qui occupait le plus anciennement cet endroit, si vous voulez, Petra, le plus anciennement installé à Petra, en quelque sorte. Ce n'est pas le dieu de la montagne. C'est pas le dieu de la montagne, en tout cas, si, on peut considérer que c'est le dieu de la montagne, oui. Et qu'est-ce qu'on aurait comme autre dieu ? Alors, il y a un pendant féminin aussi, il y a une divinité qui s'appelle Allat, qui est une divinité militaire, si vous voulez, qu'on retrouve dans d'autres régions. Voilà, il y a un certain nombre, Al-Rupta, enfin, il y a un certain nombre de divinités. Mais ce qui est plus important, à mon avis, plus intéressant, puisque ça, c'est les textes, et donc ce n'est qu'une frange, en fait, de l'information, ce sont les images. Et donc, les images, eh bien, la représentation de ces divinités, c'est toujours sous forme, assez systématiquement, en tout cas, sous forme de ce qu'on va appeler bétil, c'est-à-dire ce sont des pierres dressées. Et donc, il y a une espèce de réticence, disons, à représenter le divin, comme de manière générale en péninsule arabique, avec une petite originalité, c'est que ce sont les nabatéens qui vont représenter, effectivement, de temps en temps, il y a une dizaine d'exemples, des traits anthropomorphes sur ces pierres. Alors, ça se trouve en Arabie du Sud, mais plutôt dans des contextes funéraires. D'où la question très intéressante de savoir qu'est-ce qui justifie que tout à coup, les Nabatéens aient placé un nez, des yeux, une bouche sur ces stèles. Et donc, on se demande si c'est pas un déplacement entre la représentation d'un ancêtre, donc un culte d'ancêtre qui se transforme en divinité tutélaire d'un groupe particulier. Donc voilà, on a cette possible analyse de l'émergence d'une image particulière liée au dieu nabatéen. Alors, j'ai souvenir d'un texte que je cite par mémoire, lié bien sûr à cette Arabie, qui dit « Prends quatre pierres dans le désert, avec l'une honore ton Dieu, avec les trois autres, fais bouillir ta marmite ». C'est donc la difficulté de découvrir au travers d'une pierre ce que l'on a pu faire. Oui, il faut essayer de faire parler ces espaces. Alors heureusement, l'archéologie nous aide à ça. Hein. Et donc il y a un certain nombre de sanctuaires qui sont en réalité en cours de fouille. On n'a pas vraiment retrouvé d'offrandes associées à ces espaces, pas vraiment, mais c'est plutôt effectivement le banquet à proximité de ces présentoirs, si vous voulez, qui est significatif. Alors c'est ça qui est très intéressant. Ce que nous pouvons reconstituer des rites dans cette chapelle, ce sont des traces de banquets. Nous savons l'importance du banquet dans l'Antiquité, que ce soit chez les Grecs, les Romains ou les Celtes. Là, on a aussi des banquets. Oui, bien sûr, le banquet est assurément fondamentalement oriental. Et c'est le lieu, encore dans nos sociétés, c'est-à-dire que dès qu'une communauté se rend compte, qu'est-ce qu'elle fait quand il y a un événement dans une famille, ben on mange, évidemment, que ce soit un mariage, un décès, etc. Donc c'est le cœur de la sociabilité antique, bien sûr, le banquet. Et qu'est-ce que vous en avez comme trace? Alors, on a évidemment les poubelles, bon. Donc, on a à la fois le mobilier qui semble être utilisé une seule fois. Bon, il a l'air surabondant et cassé volontairement. Cassé après. Oui, oui, tout à fait. Et puis, par ailleurs, on a aussi, évidemment, l'archéosologie, c'est-à-dire les ossements. Et donc, par exemple, il y avait une espèce de faveur donnée. En tout cas, dans les restes, on trouvait énormément de pattes droites. Donc, voilà, il faut essayer de trouver le sens que ça peut avoir dans ce contexte particulier, la chapelle de Bonas, par exemple. Juste à côté, et dans un décor montagneux dominant le centre-ville, vous avez trouvé un sanctuaire de haut lieu topographiquement lié à cette chapelle précédente? En tout cas, il y a un lien visuel entre les deux. Et donc, on s'est demandé si c'était pas le lieu de réunion et puis le lieu, effectivement, consacré, le lieu sacré, puisque vous avez un espace défini, haram, si vous voulez, harem, qui est l'espace sacré, l'espace consacré aux dieux, qui est défini au sol. Alors, c'est un espace qui a été terriblement pillé. Il faut bien comprendre que Petra, en dépit du fait que c'est protégé, c'est pillé. Hein, et donc, dès qu'on est un petit peu à l'écart, il y a du pillage. Et donc, malheureusement, le site est terriblement détruit. Donc, sur un autre sommet, c'est un présentoir à Béthil que vous avez mis au jour, avec une sorte de plateforme qui pourrait être éventuellement un temple lié à une sorte de divan circulaire taillé dans la pierre. Oui, alors ça, c'est un espace de banquet, c'est sur le sommet du Djebel Khoubta, à l'est de la ville. C'est un espace de banquet bien connu des classiques, en fait, le stibadium, qui est un lit de table semi-circulaire qui va avoir, et ça vient probablement d'Alexandrie, du monde lagide, et c'est un espace qui va avoir un succès considérable dans l'époque tardo-antique. On va en retrouver des stibadia de ce type, on va en retrouver dans toutes les villas à l'échelle de la Méditerranée, en fait, au IVe siècle, par exemple. Donc c'est un modèle, si vous voulez, d'espace de banquet qui devient à la mode. Ça se présente comment sur le terrain? Alors, ça se présente comme un lit de table semi-circulaire. En plein air? En plein air. Alors, il y a des négatifs de dais. Donc, il faut imaginer des vignes ou des choses qui, évidemment, protègent les banqueteurs, si vous voulez, les convives. Mais alors, l'intérêt, c'est que c'est une table semi-circulaire qui est surcreusée d'un petit bassin dans lequel, probablement, on plaçait une série de plats. Alors, l'un de ces espaces, on a étudié ces espaces, et l'un d'entre eux est extraordinaire, puisque devant les convives, eh bien, une piscine pouvait être mise en eau, en réalité. Alors, on a des descriptions dans le monde romain, on sait que ça se passe dans des villas, mais c'est très surprenant de trouver ça à Petra, dans un contexte rupestre. C'est romain ou nabatéen? Impossible à dire. C'est-à-dire que tout ce qui est rupestre, évidemment, vous n'avez pas d'éléments, il n'y a pas de stratigraphie, donc comment dater quelque chose de rupestre? Et c'est un des grands problèmes, par exemple, pour les nécropoles. Enfin, votre dernière recherche porte sur un sanctuaire périurbain lié au commerce caravanier. Alors, on accédait à Petra par le sud, par le Wadi Sabra, qui est une vallée extrêmement étroite, et à 7 kilomètres au sud de Petra se trouve un énorme sanctuaire, il y a une source, et un sanctuaire avec un théâtre en fait, un caravansérail, Et donc, on s'est posé la question de savoir, mais comment ça se fait que dans cet endroit-là, spécifiquement, vous avez un si grand sanctuaire? Et donc, l'idée, c'est qu'il s'agit probablement d'un lieu dans lequel se passent des festivals, ce qu'on appelait des panégyries, qui sont des fêtes à la fois religieuses et commerciales. Et vu la situation géographique, on se demande si c'est pas le point de départ, le point d'arrivée d'un de plusieurs caravanes. Et donc, on a élaboré, en fait, toute une réflexion autour de la taxation du transport par les sanctuaires au profit des dynastes, en fait. Et voilà, là, c'est la raison pour laquelle on a essayé de travailler sur ce sanctuaire. Et vous avez les traces de ces taxes ? Alors, on a en tout cas des espaces, puisque les taxes se font en nature. Ça, on connaît par un texte de Pline. Par exemple, si vous avez 100 chameaux, ben, il y a 10 chameaux qui vont aller au sanctuaire. C'est connu pour le monde sud-arabique, mais donc pour la même époque. Et donc, on se demande si c'est pas le même modèle. Et donc, comme les taxes se font en nature, ça veut dire qu'il faut au moins des lieux de stockage. Or, les lieux de stockage, ils y sont. Donc voilà, on est dans le modèle, évidemment, dans l'hypothèse de travail, mais elle fait sens. Les archéologues au Yémen avaient trouvé de l'encens. Vous en avez trouvé ? On en connaît donc à Petra ou à Aigra ? Alors à Aigra, je ne sais pas, je ne pense pas, sauf erreur, mais à Petra, non. À un moment, on a cru qu'on avait trouvé beaucoup et ce n'était pas du tout ça. Donc non. Mais alors, il y a une chose intéressante, c'est que a priori, l'encens ne doit pas aller à Petra. L'encens, il va à Gaza, évidemment. Et donc, ce qui arrive à Petra, c'est le bénéfice du transport. Hein, donc voilà. Puisque nous avons commencé sur les eaux de Petra, finissons sur une source et son sanctuaire récemment mis au jour. Alors oui, on a travaillé à Khirbet Brak, qui est un sanctuaire dans la montagne calcaire cette fois. Et c'est particulièrement intéressant parce que vous avez un sanctuaire qui n'était pas du tout connu, un sanctuaire de source. Et surtout, il y a une logique de sauvetage là aussi parce que c'est un sanctuaire qui est malheureusement en cours de pillage. Laurent Tolbeck, merci beaucoup. Donc, tenez-nous donc bien sûr au courant de vos fouilles qui avancent visiblement beaucoup. Carbone 14 était réalisé par Émilie Valla à la technique Jason Taous et bien sûr avec la contribution de Sandrine Chaperon qui désormais a les cheveux bleus. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.